Certaines nuits, au Japon, ni la lune, ni les étoiles ne se montrent. Le ciel est alors infiniment sombre. Aïe, aïe, aïe, aïe! Alors oui, c'est un peu embêtant car on se prend souvent des racines entre les pattes. Mais, bref. Notre aventure commence une nuit exactement comme ça. Au loin, l'océan se jette contre les rochers. Sous l'herbe grasse, soudain, le sol se met à trembler. Par Ninigino Mikito, mais qu'est-ce donc ? Des palourdes ? Du cuir qui grince ? Des morceaux de métal qui se cognent ? On dirait... Oh, ai-je bu trop de saké ? Mais oui ! Enfin, je veux dire non ! C'est une armure. À vue d'oreille, elle est extrêmement lourde. Et donc, très ancienne. L'homme qui la porte s'appelle Yasuke. Il est né un matin de brume en 1530 au sud-est de l'Afrique. Devenu esclave, après bien des souffrances, il a réussi à retrouver sa liberté. Et il est allé loin, oh oui, infiniment loin. À force de travail, d'efforts et de sueur, il s'est hissé au rang des plus grands combattants de son temps. Yasuke est le premier samouraï noir de l'histoire. Et voici son odyssée. Tous les matins sont splendides dans ce fabuleux pays qu'on appelle le Mozambique. Cette longue bande de terre, bordée par l'océan Indien, au sud-est de l'Afrique, est un véritable trésor. C'est ici, il y a près de 5 siècles, que commence la vie de Yasuke. Il fait partie du peuple Makua. Les Makua sont d'impitoyables guerriers et d'habiles pêcheurs. Ils savent manier la lance et le harpon. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, chaque garçon doit accomplir un geste fort pour prouver son courage, son adresse, sa détermination. C'est au tour de Yasuke de faire ses preuves. Demain, avec son oncle, il ira pêcher le dugong. Le dugong ? Oh pétard ! C'est loin d'être un mini poisson. Cette drôle de créature des mers pèse dans les 500 kilos. Et puis, l'animal est puissant, violent. L'approcher est terriblement dangereux. Dans la nuit, une pirogue glisse sur le sable. Lentement et sans faire de bruit, Yasuke et son oncle quittent le rivage. Au large, la mer est infiniment calme. Soudain, un bruit étrange attire l'attention de Yasuke. Il s'approche. C'est un dugong en train de mâchouiller des algues. Vite, le jeune garçon s'empare de son harpon. Mais purée, tétanisé par la peur, il se fige. Vas-y, Yasuke, vas-y! Trop tard. L'animal retourne dans les eaux sombres de la mer, en donnant au passage un gros coup dans la pirogue. Yasuke tombe par-dessus bord. Le dugong ne compte pas en rester là. Il le croque à la cuisse gauche, puis il l'entraîne dans les profondeurs où il le fait valdinguer dans tous les sens. Sous l'eau, Yasuke donne des coups, il crie, il étouffe! Enfin, la bête décide de lâcher sa proie. Pétard, c'était moins une! Yasuke, avec l'aide de son oncle, regagne la pirogue, puis le rivage. Le pauvre a la jambe bien amochée. Impossible de bouger, il doit rester couché. Ah, satané dugong! Yasuke, pourtant, garde son calme. Les blessures, le danger, tout ça, il est habitué. Les bébêtes fougueuses ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur la vie des Makua. Et il y a pire. Bien pire. Il y a les hommes blancs. Depuis quelques années, ils arrivent du Portugal, chaque fois plus nombreux, pour capturer les Makua. Ils les emportent ensuite sur leur bateau pour les vendre comme esclaves. Yasuke les déteste tous. Ah, s'il pouvait en zigouiller quelques-uns, il serait le plus heureux des humains. Oui, le jour où il croisera leur route, il se battra s'il le faut, jusqu'à la mort. Depuis qu'il est enfant, il en a vu des cousins, des amis, des oncles disparaître tout d'un coup pour ne jamais revenir. Alors, évidemment, il en a gros sur la patate. Comme tous les jeunes garçons de son village, il est extrêmement prudent. Il connaît la consigne. Ne jamais se déplacer seul. Toujours rester groupé. Les semaines, les mois passent. Yasuke, enfin, guéri. Youpi ! Il peut repartir à la chasse. C'est un petit matin clair. Le soleil est en train de se lever. L'aube est bleue. Elle est rose. Elle est jaune. Yasuke et ses camarades s'éloignent du village. Notre héros a le cœur qui fait boum ! La chasse, il adore ! A désormais 14 ans, c'est un garçon immense, musclé et extrêmement vigoureux. Il court comme un guépard et bondit comme une antilope. Caché derrière des buissons, ses compagnons et lui attendent. Quoi ? Mais, ma foi, un lion ! Ça y est, en voici un qui traverse la plaine. D'un coup de lance, sec, rapide, assuré, Yasuke blesse l'animal qui s'enfuit à toute berzingue. Vite, il s'élance à sa poursuite. Il est si rapide qu'il devance tous ses camarades. Sans s'en rendre compte, il vient d'entrer dans la jungle. Oh purée, il est désormais tout seul. Seul ? Non, pas vraiment. Un groupe d'hommes vient de surgir. Horreur, malheur, ce sont des trafiquants d'esclaves. Yasuke n'a même pas le temps de se défendre. Il s'effondre par terre, assommé par un gros coup de gourdin. Il se réveille. Quelques heures plus tard, ligoté, des pieds à la tête. Notre héros a le cœur en feu. Il a la rage. Tout ça pour capturer un lion ? Que faire ? Fuir ? Mais comment ? Complètement sous le choc, Yasuke est sonné, abattu, résigné. Tout en lui a changé. Après une longue marche de plusieurs jours, le jeune garçon est jeté dans la cale d'un immense bateau. Il n'est pas seul. D'autres malheureux, comme lui, ont été capturés. Entassés et enchaînés les uns aux autres, leurs yeux, en silence, disent une seule et même chose. La terreur. Le bateau, tout à coup, se met à bouger. Tous l'ignorent, mais il les emporte loin. En Inde, dans le port de Goa. En 1510, les Portugais, en quête de nouvelles richesses, ont conquis la ville et, depuis, ils y vendent leurs esclaves. Dans la cale, l'air devient vite irrespirable. Les pauvres prisonniers ont chaud, ils ont soif, ils étouffent. Alors, le matin, on les fait sortir sur le pont, sous les cris de quelques hommes blancs. Allez, respirez un bon coup. Faudrait pas qu'on perde de la marchandise en route, hein. Yasuke prend le temps de les observer. Des blancs, il n'en avait jamais vu avant et, franchement, c'était pas plus mal. Ma parole, mais ils sont horriblement laids. Leur peau est si pâle et leurs cheveux. Qu'est-ce que c'est que ces machins qui pendouillent ? Sont-ils vraiment humains ? Cet horrible voyage dure 5 semaines. Arrivé à Goa, Yasuke est perdu. Les maisons, les arbres et même la couleur du ciel. Tout est si différent. Soudain, le fouet claque. C'est le signal. Il faut partir. Direction, le marché aux esclaves. Le soleil tape sacrément fort. Autour de Yasuke, d'autres hommes venus d'Afrique, mais aussi quelques Indiens, des Japonais et des Chinois, ont été rassemblés pour être vendus. Pour éviter les coups, Yasuke, épuisé, se force à rester debout. Des Portugais passent et le dévisagent. On le touche, on lui demande de sauter en l'air et de montrer ses muscles. Enfin, on lui fait signe. Vite, il doit suivre un homme, là, en train de donner quelques pièces. Yasuke vient de se faire acheter. Ses chevilles, à cause des chaînes, le font terriblement souffrir. Il marche, péniblement, la boule au ventre. L'homme le conduit vers un immense bâtiment où vivent des prêtres d'un genre un peu particulier. Des missionnaires. Ces bons hommes venus d'Europe ont traversé les océans pour convertir les habitants de la région à la religion chrétienne. La vie de Yasuke, désormais, leur appartient. Notre homme ne comprend rien à la langue de ces drôles de zigs, mais une chose est claire, il est là pour travailler. Plusieurs fois par jour, il va puiser de l'eau très loin, dans les montagnes. Les semaines, les mois passent. Yasuke se mure dans le silence. En 1574, le prêtre Alessandro Valignano fait escale à Goa. C'est pour lui le début d'un grand voyage qui le conduira jusqu'au Japon. Entre les pirates et les bandits, waouh ! La route est sacrément dangereuse. Alessandro a besoin de protection. Yasuke est choisi pour l'accompagner. Avant de monter dans le bateau, Yasuke s'arrête quelques secondes pour regarder ses chevilles. Au moins cette fois, je ne porte pas de chaîne aux pieds. Le voyage jusqu'au Japon, qu'on appelle alors Sipango, dure 2 ans. Enfin, Alessandro et Yasuke arrivent sur l'île de Kyushu. Tous les regards, immédiatement, se tournent vers notre camarade. Cet homme immense, à la peau noire, facile. Les Japonais sont fous, ils perdent la tête. Certains vont même jusqu'à le toucher pour se prouver à eux-mêmes qu'il est bien réel. Bien sûr, son physique est très impressionnant, mais en réalité, le trouble vient d'ailleurs. Une force étrange et mystérieuse se dégage de lui. Au service du prêtre Alessandro, Yasuke reste un esclave, mais il est plus libre qu'à Goa. Il est mieux nourri, mieux vêtu. Il peut se déplacer et il n'a plus à aller puiser de l'eau. Il revit. Ses yeux, de nouveau, s'animent. En mars 1581, Yasuke accompagne son maître dans la ville de Kyoto. Son arrivée vire à l'émeute. Certains Japonais font des centaines de kilomètres pour venir le voir. Où qu'ils se rendent, la foule surexcitée se presse. Même le daimyo Nobunaga, un seigneur extrêmement puissant, demande à le voir. Nobunaga est un guerrier féroce, connu pour être capable du pire et... surtout du pire. Dans sa jeunesse, on l'a surnommé Bakadono, le seigneur fou. C'est dire. Je me demande bien comment cette rencontre va se passer. Nobunaga n'en croit pas ses yeux. Lui non plus n'a jamais vu d'homme à la peau noire. Il pense que Yasuke a été ensorcelé. Vite ! Il lui fait prendre un bain. Les serviteurs frottent notre camarade. Sa peau reste noire. Nobunaga est sur les fesses. Il existe donc, de l'autre côté du monde, Des hommes dont la couleur de peau est aussi sombre que la nuit. Deux jours plus tard, il demande à prendre Yasuke à son service. Le père Alessandro Valignano accepte. Notre homme, pour la troisième fois, change de propriétaire. Nobunaga est très impressionné par cet homme, chez qui il reconnaît tout de suite un immense courage. Yasuke a l'âme d'un grand combattant. Sans attendre, il affranchit notre héros. Par ce geste, il lui rend sa liberté. Puis, il l'élève au rang des plus grands combattants de son temps. Yasuke devient samouraï. Il est de nouveau un homme libre. Extrêmement vaillant, il porte deux sabres. C'est un immense honneur. Seuls les plus grands guerriers ont droit à ce privilège. Les valeurs des samouraïs vont à Yasuke comme un gant. Il retrouve en elle toutes celles des plus grands guerriers Makua. Bravoure, honneur, loyauté, honnêteté, bienveillance. Lorsque Yasuke prend les armes, il sent bondir en lui toute la force de son peuple. Dans son armure de métal et de cuir, il court comme un lion, il bondit comme une antilope. Tout alors lui revient en mémoire l'odeur de la terre, humide dans la jungle, et les bruits du dugong dans la mer. Il se souvient du petit garçon qu'un jour il a été. Un matin de brume, dans les années 1530, au Mozambique, est né un homme au destin exceptionnel. Capturé par des marchands d'esclaves, il a traversé le monde. Après bien des souffrances, il est devenu le premier samouraï noir de l'histoire. Son nom est Yasuke. Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Basile Bocquer et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Au début de l'Odyssée, j'ai fait référence à un certain Ninigi no Mikoto. C'est un personnage de la mythologie japonaise envoyé sur Terre par sa grand-mère, la déesse du soleil, pour gouverner le monde et y planter du riz. Tu vois comme je suis, quoi qu'il arrive. Je pense à mon bidou.